pointe au taf, porte close. Encore un refus, CV froissé dans la poche. Regarde, déjà perdu, maman dit tiens bon, mais l'espoir fait du surplace. Les factures sur la table, la fierté qui s'efface. Dans la cage d'escalier, les frères parlent de partir, mais les trains sont trop chers, les rêves font que fuir. On veut manger sans compter, respirer sans dette, mais le moi nous tient au cou comme une vieille chaînette. Aucun futur, on crie. Aucun futur ici. Aucun futur la nuit. Aucun futur pour qui. Aucun futur au cri. Aucun futur ici. On serre les dents, on vit sous la pression des vies. Les diplômes prennent la poussière dans les tiroirs, pendant que les chefs choisissent des visages au hasard. On nous vend des grands chemins, on nous laisse des murs, des petits boulots noirs pour payer l'air du futur. Les potes ont les genoux usés par l'attente, le cœur en mode alarme, la patience en descente. Les poches sont pleines de rien, le regard plein de rage. On apprend à faire semblant pour traverser l'orage. Aucun futur, on crie. Aucun futur ici. Aucun futur la nuit. Aucun futur pour qui. Aucun futur, on crie. On veut pas la pitié, on veut juste une chance. Pas finir à compter nos jours dans le silence. Si demain se dérobe, on marche quand même droit. Même cassé de partout, on garde un bout de voile.